Chapitre 3, page 29, exercice 3. 1. Aurore n'a pas eu la promotion qu'elle méritait. C'est son collègue, beaucoup moins compétent qu'elle, qui a eu le poste. C'est dur. 2. Après le succès de son premier film, Yann se prend pour un acteur de génie, à 18 ans. 3. Avant d'avoir des enfants, Juliette avait de grands principes. Mais depuis qu'elle est confrontée à la réalité de l'éducation, elle n'est plus aussi dure. 4. Le professeur a 200 copies à corriger d'ici lundi prochain. 5. Je ne comprends rien quand elle parle. Elle n'articule pas. 6. Leur fille est partie au bout du monde et ils sont sans nouvelles d'elle. Ils sont très inquiets et n'ont guère d'appétit. 7. Ce roman, que je pensais remarquable, m'a un peu déçu. 8. Je ne sais pas combien de personnes exactement seront présentes à la conférence. À tout hasard, je vais préparer du café et des bouteilles d'eau pour 50.